c'est en one shot. Quartier nos cases, toujours à l'aise dans le rap. N'en déplaise et je m'en tape. Pistolet est excellent, il s'est jamais envoyé. Il te suffit d'une balle. On est en phase terminale, mais au moins on peut décider de faire quelque chose. C'est moi que tu regardes comme ça depuis tout à l'heure, hein? En style Iskar, je crois que tu vas rencontrer ton destin. Petit tapette, s'abstenir. Écoute, il faut que tu saches qu'ici les dents des laisse vite place à des croix serrées. Les miens seront pas serrées. L'essentiel, faire croire au reste du monde qu'on a la même vie que pigé. De toute façon, c'est bien ce que les politiques font et la politesse font. Du coup, font sur nous la police à toute vitesse. Bon, on va pas s'emballer dès le premier couplet. Mais si tu me laisses pas parler ta langue, je vais la couper. Je vais dans la sincérité, donc je vais pas te tromper. Et je pense que dans le rap, il y a trop de trompettes. Trop de faux, trop de wax qui font de la gonflette. Y'a pas de test sans testo, zéro, leur vie stop net. Avec 4-7, on arme la cassette, prêt à tout casser. Soit tes tympans, soit ta tête. Je me rends même plus compte de ce que je fais. En mode automatique, ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. Clique du 24, clique en 24, mon mec n'est pas statique. Retour à la fabrique pour le psych mystique. Je me rends même plus compte de ce que je fais. En mode automatique, ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. Clique du 24, clique en 24, mon mec n'est pas statique. Retour à la fabrique pour le psych mystique. 2010, fils, pour moi comme un titre de film futuriste. L'année qui annonce le retour des puristes. Il était temps que ce business s'épuise. Ma patience l'est depuis longtemps. Je t'avoue que ça m'éprise. Y'en a trop qui s'improvisent acteurs du RAP. Mais contiennent plus de clichés que canon chargé dans les mains d'un paparazzi. Rêve de clichés interdits dans un palace. Avec une star au fond du lit. Commettre des petits délits juste pour se faire mousser. Et quand il faut ramasser le savon, tu l'entends glousser. Faut pas pousser. Maman te taper dans le dos pour te faire rôter. Y'a pas si longtemps, donc pour faire le show, t'as le temps. T'auras beau prendre un beat parce que c'est la seule arme légale. La mienne est lyricale. J'peux te dire qu'elle fait très mal. Ça tape sec pour ma section. Ce son one shot 47 FER et BU7, mon pote. J'me rends même plus compte de ce que j'fais. En mode automatique, ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. C'est du 24 sur 24. Mon mec n'est pas statique. Retour à la fabrique pour le psych mystique. Je me rends même plus compte de ce que je fais. En mode automatique, ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. C'est du 24 sur 24. Mon mec n'est pas statique. Retour à la fabrique pour le psych mystique. On fait pas du son à l'arrache. Ici il faut que tu saches. Section one shot, tu sais ce que ça veut dire. Ou bien il faut que je me fâche. Moi le patriarche avec mon flow taillé à la hoche. Tempérament d'Apache. Si dans la soirée tu fais tâche, il vaut mieux que tu caches. Ça va être hoche. Oups, c'est face de ouf. Toujours à la futouf ou de bouffe. Si tu pouffes, tu vas te prendre une baffe. Rapa de sang, le sang en ébullition. Et ça sent dans le son. Puis ça 100% pour que ça génère des émotions. Quartier nos cases, toujours à l'aise dans le rap. N'en déplaise, je m'en tape. J'ai trop d'avance dans le secteur, donc je reste au top. Toujours pas de style. Pas de marque, sans être quelconque. Et tout s'agique de la même manière que tu perds un furon. On fait avec ce qu'on a, tu croyais quoi? C'est pour les faire ceux qui triment, ceux qui lâchent pas. Depuis le début on est les mêmes. Enfin presque à quelques riz près. Mal rasé, sans être pour autant rouillé. Pas de poule mouillée dans le crew, pas de kamikaze non plus. Quoique. De dégâts sérieux, pareil à en découdre. Cause des dégâts sérieux, ton anus il faudra le recoudre. Non, soyons sérieux, voilà l'équipe qui a pris la foudre. Ok, je m'arrête pas, on me dit d'ouvrir les vannes et ma barge. Mais ils ne savaient pas qu'elle faisait la taille d'un putain de barrage. Je pourrais bosser pour la CNR ou le CNRS. Au service de recherche pour les rappeurs tenus en laisse, ambiance saloon, coming soon. Mystical Psy. Ce soir ça cartoon, mec. Demande à Cassis que des gars sauce. Des gars qui posent, des gars qui osent. Lâcher des phases qui pèsent jusqu'à l'overdose. Et j'en fais ma thèse. Je me rends même plus compte de ce que je fais. Je suis en mode automatique. Ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. Si tu mets 4 sur 24, mon mic n'est pas statique. Retour à la fabrique pour le psy. Je me rends même plus compte de ce que je fais. Je suis en mode automatique. Ce rap vite fait boucler. Comme le quartier par ma clique. Si tu mets 24 sur 24 pour mec t'es pas statique. Une fois que t'auras la fabrique pour le psych mystique. Yeah, mystical psych, aka psycho, le seul unique depuis 91 mon gars.